Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les résistants des camps de la mort. Nous pensions que nous allions détruire l'usine de la mort. Certains d'entre nous s'échappèrent et d'autres restèrent car ils n'avaient nulle part où aller avec leur allure de juifs. Cette usine de la mort dont parle Samuel Vilenberg à la télé israélienne est le camp de Treblinka. Samuel Vilenberg a participé à la révolte du camp de Treblinka le 2 août 1943. Il fait partie de ceux qui ont réussi à s'échapper du camp ce jour-là. Dernier survivant de Treblinka, il est mort en 2016. Treblinka mis à part, y a-t-il eu d'autres exemples de soulèvements dans les camps et quelle forme a pris la résistance dans les camps de la mort au cours de la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu des camarades polonaises qui appartenaient à la résistance polonaise qui ont dérobé de la poudre. Elles étaient prises sur les fêtes. Nous nous sommes réveillés un matin et on nous a donné ce jour-là une nourriture beaucoup plus abondante. Nous avons eu droit aux choses qu'on n'a jamais vues au camp. On a eu droit aux pommes de terre, on a eu droit aux saucissons, on a eu droit à beaucoup de pain et nous nous demandions qu'est-ce qui va nous arriver. Eh bien, cynique peut-être, mais c'était pour nous permettre d'assister à un spectacle peu ordinaire. Au milieu de la cour de notre camp, à côté de nos baraques, on a dressé une potence et les deux filles polonaises ont été pendus sur cette potence. Nous nous sommes fait expliquer ensuite que leur dernière parole était « Vive la paix, vive la Pologne libre, Abba Hitler ». L'épisode que raconte la survivante d'Auschwitz, Liliane Lévy-Osbert, dans cette entrevue qu'elle accorde en 1995, est celui de la pendaison de résistantes polonaises qui avaient introduit de la poudre explosive dans le camp d'Auschwitz-Birkenau lors du soulèvement des Sonderkommando du camp le 7 octobre 1944. La révolte au camp d'Auschwitz-Birkenau fait partie du mouvement de résistance qui va s'organiser dans les camps à partir de 1942, mais qu'on va surtout voir poindre vers 1943. Pour nous parler de ce mouvement de résistance dans les camps, je reçois Annette Viviorka, qui est spécialiste de l'histoire de la Shoah, Shoah à laquelle elle a consacré de nombreux ouvrages, dont « Déportation et génocide, entre la mémoire et l'oubli ». Annette Viviorka est dans nos studios de Paris. Annette Viviorka, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y en a eu beaucoup, Madame Viviorka, des soulèvements dans les camps de la mort? Non, il n'y a pas eu beaucoup de soulèvements dans les camps de la mort, parce que se soulever était très difficile. D'abord, ce n'était pas tout à fait des camps, c'était ce que Raoul Hilberg, l'historien américain, appelle des centres de mise à mort, et arrivaient dans ces lieux pour être assassinés des hommes, des femmes, des enfants. Donc, toute une population civile qui était impuissante, en fait. Et quand on regarde les soulèvements, on a entendu Liliane Lévy-Osbert parler du soulèvement d'un des Sonderkommando d'une des quatre grandes chambres à gaz crématoires de Auschwitz-Birkenau. On a entendu Samuel Vilenberg parler du soulèvement de Treblinka. On peut dire que Treblinka, Sobibor, Birkenau, il y a finalement trois révoltes. Elles ont lieu tardivement. C'est-à-dire après que ces centres de mise à mort aient été mis en fonctionnement et assassiné des millions de juifs. Oui. Et ce sont des révoltes contre la mort de gens qui se savent condamnés à mort. Oui. Et ça, c'est... Donc c'est très particulier. Et c'est important, vous faites bien de le signaler tout de suite. On peut se demander pourquoi si peu de soulèvements et pourquoi si tardivement, mais il faut remettre les choses en perspective. Cette fameuse machine à tuer, ces usines de la mort, elles arrivent pas tout de suite. Et c'est à partir du moment où elles s'installent que ces gens qui se savent condamnés à mort se disent « on tente le tout pour le tout ». Oui. Ils tentent le tout pour le tout tardivement. Ces révoltes sont des très minces succès, puisqu'elles permettent, en tout cas dans le cas de Treblinka et de Sobibor, d'avoir un certain nombre de personnes qui s'évadent. Et ces personnes, après, porteront témoignage. Témoignage lors des procès de Nuremberg, procès d'Eichmann. L'un d'eux, qui s'appelait Yankel Viernik de Treblinka, construira même une maquette qui est toujours exposé au musée des combattants du ghetto en Galilée, en Israël. Donc c'est plus des révoltes pour essayer de se sauver alors qu'ils savent qu'ils sont condamnés à mort, et aussi, diront-ils après, pour porter témoignage, et de fait, ils ont porté témoignage. Oui. Et puis, il y a ces révoltes comme telles, peu nombreuses, et il y a, dans ce rayon de la résistance, entre guillemets, il y a les évasions, tout simplement. Ça, il y en aura un peu plus, quand même. Alors, il y aura un peu plus d'évasions. Les évasions, elles sont possibles. Par exemple, si on prend le cas d'Auschwitz, elles sont surtout possibles pour les Polonais. Parce que, en ce qui concerne les Juifs polonais, s'ils s'évadent, ou les Juifs pas polonais, puisque à Auschwitz, il y a eu des Juifs de toute l'Europe, s'ils arrivent à s'évader, ils se retrouvent dans un milieu où ils ne connaissent pas la langue, un milieu hostile, et ils sont très souvent rattrapés. Donc il y a un certain nombre d'évasions qui sont très célèbres. Une évasion ratée d'une femme, d'une Juive belge, qui s'appelait Malazie Mudbaum, dont toutes les femmes parlent dans leurs témoignages. Elle était coursière, hein, c'est-à-dire qu'elle pouvait se promener dans le camp, elle parlait beaucoup de langues, donc elle était employée à ce travail-là. Et elle est tombée amoureuse d'un Polonais. Ils se sont évadés tous les deux, ils ont été repris et elle a été pendue. Donc ça, c'est une des évasions les plus célèbres. Et je pense que le fait qu'il y ait une histoire d'amour, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Et puis il y a eu d'autres évasions réussies, notamment l'évasion vers la fin de deux Juifs slovaques, Vra et Wetzel, qui ont réussi à faire un rapport très circonstancié. Et cette évasion a été très importante parce que ça a permis au Congrès juif mondial d'avoir une idée précise de ce qu'était Birkenau. Ouais. Et c'est avec cette évasion qu'est née cette polémique qui ne nous concerne pas aujourd'hui, de savoir s'il fallait ou non bombarder Auschwitz. Oui, exact. Parce qu'à partir du moment où ces survivants, donc des camps, réussissent à s'évader et témoignent, on ne peut plus dire « nous ne savions pas ». Un petit mot sur peut-être la dernière forme de résistance, donc la révolte dans les camps sur laquelle on reviendra plus en détail dans les minutes qui viennent, les évasions, et puis les ghettos. Mais encore là, parce que la machine a tué, là, c'est les camps d'extermination, ils arrivent quand, de fait, Annette Vivior? Qu'en 42, à peu près? Alors, les camps, les centres de mise à mort, hein, je vais reprendre la terminologie de Hilberg, ils sont en construction après la conférence de Wannsee, la conférence de janvier 1942, et ils sont mis en fonctionnement, disons, vers la mi-1942, ouais. Mars, avril 42. Ce qui explique et, que c'est... ils fonctionnent à plein à partir de juillet 42. Si on prend Treblinka, c'est la déportation de quelques 300 000 juifs du ghetto de Varsovie vers Treblinka qui se fait en quelques semaines. Donc vraiment, on peut dire que l'année terrible pour l'assassinat des juifs, c'est l'année 42. Ouais. Et ce n'est donc pas un hasard, c'est l'été 42 même, que ce soit ce moment-là que commencent les soulèvements. Je le disais donc dans les camps, les évasions, et puis dans les ghettos. Le principal, puis c'est justement juste un peu après, en 43, mais le ghetto de Varsovie. Ça, ce sera le principal soulèvement. Oui, le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui est vraiment un soulèvement emblématique, qui a toujours été célébré, toujours connu, sur lequel il y a eu beaucoup d'ouvrages, de témoignages, de films, c'est le 19 avril 1943. Et c'est pareil. C'est-à-dire que ce soulèvement armé d'une, surtout de jeunes, hein, qui était organisé, c'était aussi un soulèvement au moment où Himmler avait décrété, et je mets des guillemets, liquidation du ghetto. Ouais. Donc l'idée, c'était de vendre chèrement sa vie et de ne pas se laisser tuer, assassiner, sans combattre. Et la révolte du ghetto de Varsovie a duré à peu près 3 semaines, hein, jusqu'au 10 mai 1943. Et le courage de ces jeunes gens qui ont bravé la mort et dont une poignée a survécu, notamment en passant du côté, je mets aussi des guillemets, arien, par les égouts, c'est un courage qui a été célébré. Mais il n'y a pas eu seulement Varsovie, il y a eu aussi une organisation de résistance à Vilno, Vilnius, à Bialystok, enfin dans beaucoup de ghettos, des juifs qui ont rejoint les partisans armés, et puis des juifs qui se sont battus dans les mouvements de résistance, pas spécifiquement juifs, et dans les armées, dans toutes les armées alliées. Passons maintenant carrément à ces épisodes de révolte dans les camps, en parlant de celui qui touche le camp de Sobibor. Le 14 octobre 1943, une révolte a lieu au camp de Sobibor en Pologne. Avant de parler de ce mouvement de révolte à Sobibor, Agnette Wiewiórka, un mot sur ce funeste site qui est véritablement l'exemple le plus horrible d'usine de la mort. Que se passe-t-il sur ce site de Sobibor? Alors Sobibor, c'est un des 6 centres de mise à mort qui a commencé à fonctionner, disons, au printemps 1942, qui était dirigé par un homme qui s'appelait Stengel, Franz Stengel, qui a été ensuite le commandant du camp de Treblinka, et dans lequel ont été surtout assassinés des Juifs, principalement de Pologne, mais aussi de l'Europe. Il y a eu un certain nombre de convois de Juifs de France qui ont été dirigés vers Sobibor. Alors, il est toujours très difficile de donner des chiffres, mais ce sont probablement entre 200 et 250 000 Juifs qui ont été assassinés à Sobibor. Et la seule fonction de Sobibor, c'était d'assassiner des Juifs. Avec une froideur, c'est une méthode industrielle, carrément, là, qui est utilisée, qui est employée, si on peut dire, à Sobibor. Oui, c'est une méthode industrielle, puisque les Juifs arrivent par chemin de fer. Ce sont en fait pas des camps, mais des terminaux ferroviaires, et qu'ils sont immédiatement conduits dans la chambre à gaz et sont assassinés. Or, ce sont des lieux dont il reste pratiquement pas de traces, parce que, à la suite de la révolte, les nazis, pour cacher leurs crimes, ont complètement détruit les installations et ont planté des arbres sur place. Oui. Et ça, c'est au fond, peut-être, j'allais dire l'exemple de la révolte qui a le plus, avec des guillemets à mon tour, le plus ébranlé le régime nazi. Himmler est furieux après cette révolte de Sobibor, le 14 octobre 1943. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait, à Sobibor? Alors, à Sobibor, un petit groupe de prisonniers, dont certains avaient été des soldats, des militaires, assassinent des gardes et s'égayent dans la nature. Donc effectivement, la hiérarchie nazie n'aimait pas beaucoup qu'on entrave, si peu que ce soit, leur machine de mise à mort. Et effectivement, après la révolte, le camp de Sobibor a été fermé. Ouais. Le 7 octobre 1944, autre révolte importante dont vous avez parlé d'entrée de jeu, Agnette Wiewiórka, les Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau décident à leur tour d'organiser une révolte dans le camp. Nous en avions plus qu'assez depuis longtemps. Devrons-nous encore tremper nos mains dans le sang des Juifs hongrois? Cela a mené tous les hommes du commando sans distinction de classe ou de milieu, et même les plus réservés, à tempêter pour qu'on mette fin à ce jeu. qu'on en finisse avec ce travail, ainsi qu'avec notre vie si nécessaire. Trois mois et demi avant la libération du camp, le 7 octobre 1944, éclate la seule révolte armée à Auschwitz. Elle est organisée par les Sonderkommando. Le crématoire 3 est détruit. Zalmen Gradovski, l'un des organisateurs de ce soulèvement, est tué avec 451 de ses compagnons. Extrait du documentaire d'Emile Weiss, Sonderkommando, Auschwitz-Birkenau, réalisé en 2007. Que se passe-t-il donc à Auschwitz-Birkenau le 7 octobre 1944? Il faut savoir que ce qu'on appelle les Sonderkommando, un par chambre à gaz crématoire, ce sont les détenus qui sont affectés au traitement des corps, c'est-à-dire qu'ils ont la charge de retirer les cheveux, les dents et de brûler les corps. Et périodiquement, tous les X mois, ils sont à leur tour conduits à la chambre à gaz et assassinés. Donc on est finalement dans un cas de figure qui ressemble un peu à ce qu'on a déjà évoqué, Treblinka, Sobibor et le ghetto de Varsovie, c'est-à-dire des révoltes à un moment où on sait, enfin les personnes savent que leur mort est inéluctable. Oui. Mais cette révolte du Sonderkommando, de la chambre à gaz 3 ou 4, ça dépend comment on compte, a été organisée avec l'aide de 4 femmes. Je vais donner le nom de ces femmes. C'était Rosa Robota, Alla Gertner, Regina Safferstein et Estera Vajblum. C'était donc des juives polonaises qui travaillaient dans une grosse usine qui jouxtait le camp d'Auschwitz I, le camp principal, qu'on appelait l'Union Werke. Et c'est elles qui ont dérobé des explosifs et qui ont réussi à les faire passer, grâce à cette organisation clandestine, aux gens du Sonderkommando. Et effectivement, la chambre à gaz crématoire a sauté. Elle est devenue inutilisable. Et les 4 femmes ont été pendues. Mais, et Emil Weiss le dit très bien dans son commentaire, nous étions 7 octobre 1944. Les avant-gardes de l'armée rouge sont entrées dans les camps d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Et les camps ont été évacués à partir des 17 et 18 janvier 1945. Et la vengeance des SS a été terrible, puisque le 6 janvier, c'est-à-dire on entendait pratiquement déjà les canons tonner sur la rive droite de la Vistule, l'armée rouge avançait. Ils ont décidé de pendre ces femmes, ces 4 femmes. Ils les ont pendues en 2 fois pour que toutes les femmes qui travaillaient à l'Union Werke en équipe de jour ou de nuit soient témoins de cette pendaison. Ouais. Alors je dirais que les souvenirs tardifs de Liane Levi-Hosborg disant qu'elle crie « Vive la Pologne libre », disons que j'en doute, hein, ouais, que ces femmes aient crié « Vive la Pologne libre », c'était des juives polonaises et je ne pense pas que la Pologne libre ait été leur premier souci. Ouais. On va terminer cette émission en parlant d'une autre forme de résistance qu'on a évoquée déjà, les évasions. Il y en aura quelques-unes de ces évasions qui deviendront célèbres, parmi celles-là, celles qui touchent le cas de Witold Pilecki. Volontaire pour Auschwitz. Ce livre n'est pas un roman, mais l'histoire vraie d'un capitaine de cavalerie polonaise, Witold Pilecki. Le 19 septembre 1940, sur proposition du commandant de l'armée secrète polonaise, ce mari, père de 2 enfants, se fait prendre volontairement dans une rafle à Varsovie. 3 jours plus tard, il arrive dans le camp d'Auschwitz, tout juste installé par l'Allemagne nazie. À ce moment, il n'y avait pas encore de chambre à gaz. Birkenau n'existait pas. Pilecki n'avait pas la moindre idée de ce qui allait se passer ici, même pas en rêve. Dès son arrivée, Pilecki organise en secret un mouvement de résistance à l'intérieur même du camp. Pendant 2 ans et demi, il fera parvenir au monde des informations sur les crimes perpétrés par les nazis. Lui-même s'évade d'Auschwitz en avril 1943 et retrouve sa famille à Varsovie. Sa fille et son fils avaient alors respectivement 10 et 11 ans. Il ne nous racontait pas ce qu'il avait vu, sans doute parce que nous étions trop jeunes. Au contraire, il essayait de nous distraire, moi et mes amis. Il nous inventait des jeux en plein air. Sans savoir où se trouvent ses restes, la Pologne veille sur la mémoire de Witold Pilecki à travers des statues, des rues ou encore des écoles qui portent son nom. Dans ce collège d'Auschwitz, une partie du cours d'histoire de cette année lui est consacrée, l'occasion pour certains de découvrir un héros longtemps oublié. Extrait d'un reportage de l'AFP diffusé en juin 2010, on y évoque le cas de Witold Pilecki, Annette Wiewiórka. Parlez-nous de lui, parlez-nous de ses évasions qui restent célèbres. Alors, très rapidement, Witold Pilecki est interné volontaire à Auschwitz dans la première partie de l'histoire du camp, quand c'est un camp de concentration seulement pour les hommes, seulement pour les Polonais. Ce n'est pas encore un centre de mise à mort. Donc il est témoin et il raconte ce qui se passe pour les Polonais qui sont internés à l'intérieur du camp. Ouais. À l'heure actuelle, moi j'ai contribué à ce que son témoignage soit publié en français et je regrette un peu les usages politiques qui sont actuellement en Pologne, utilisés en Pologne, pour faire de Pilecki, donc un de ses soldats perdus, un de ses évadés d'Auschwitz, et pour tenter de gommer le fait que si Auschwitz-Birkenau a cette célébrité mondiale, c'est parce qu'y ont été assassinés 1 million de juifs venant de toute l'Europe. Donc il y a aussi un usage politique de Pilecki, ce qui n'ôte rien ni à son courage, ni à la qualité d'un témoignage qui n'est pas du tout un témoignage sur la Shoah, sur l'Holocauste, mais qui est un témoignage sur la façon dont les élites polonaises et la résistance polonaise a été opprimée, décimée oui. par les nazis. Et c'est là où il y a peut-être errance, c'est qu'on en fait un héros de la résistance polonaise en occultant le fait que tant de Juifs soient morts dans ces camps. Oui, c'est la tendance actuelle depuis quelques années du PiS, du parti Droit et Justice, qui est au pouvoir, qui est de minorer l'assassinat des Juifs et pour refaire d'Auschwitz ce qu'il avait été d'ailleurs pendant toute la période communiste, le lieu du martyrologe polonais, ce qu'il a été aussi. Ouais. Moi, je plaide pour qu'il y ait une histoire équitable, c'est-à-dire que toutes les histoires soient racontées, écrites sur les camps d'Auschwitz. Annette Wiewiórka, historienne spécialiste de la Shoah, c'était un immense bonheur de vous retrouver, Madame Wiewiórka, à nos micros. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.